Henry Miller nous livre, avec Le Colosse de Maroussi, écrit entre 1939 et 1940, un de ses textes les plus empreints de métaphysique et de religiosité, mais dans une acception poétique et dans une tonalité qui nous rend, quelle que soit notre propre sensibilité, son bouleversement à la découverte de la Grèce proche, enthousiasmant. Le Colosse de Maroussi d'Henry Miller, extrait. Quatrième émission. Hydra, nos plis, Épidore. Hydra est un roc qui sort de la mer comme une énorme miche de pain pétrifié. C'est le pain changé en pierre que reçoit l'artiste en récompense de son labeur quand il découvre du regard la terre promise. Après l'illumination matricielle, vient l'ordalie du roc, d'où doit jaillir l'étincelle qui enflammera le monde. Je m'exprime par images larges et rapides, parce que se mouvoir d'un lieu à l'autre en Grèce, c'est prendre conscience du drame émouvant et fatidique de la race dans son ascension circulaire de paradis en paradis. Chaque halte est un seuil nouveau sur le chemin marqué par les dieux. Il y a des stations pour le repos, la prière, la méditation, l'action, le sacrifice, la transfiguration. À aucun point de la route n'est inscrit le mot « fin ». Les rochers eux-mêmes, et nulle part au monde Dieu n'a été aussi prodigue de rochers qu'en Grèce, sont symboles de vie éternelle. En Grèce, le roc était le camp. L'homme peut mourir, le roc, jamais. Dans un lieu comme Hydra, par exemple, on sait que l'homme, à sa mort, devient partie du roc natal. Mais il vit le roc. Vague divine d'énergie suspendue dans le temps et l'espace, et d'où naît un silence de durée variable dans la mélodie infinie. La main experte du calligraphe a inscrit Hydra comme un silence dans la partition musicale de la création. Un de ces silences divins qui permettent au musicien, lorsqu'il reprend la mélodie, de continuer dans une direction entièrement nouvelle. Parvenu à ce point, qu'a-t-on à faire de la boussole? Autant la jeter par-dessus bord. Pour se mouvoir vers la création, a-t-on besoin de boussole? À peine avais-je posé le pied sur ce rocher que je perdais tout sens de l'orientation terrestre. Ce qui m'arriva, dès lors, relève de la pure marche en avant, non de l'orientation. De but lointain, je n'en voyais plus. Je ne faisais qu'un avec le chemin. Désormais, chaque station jalonnait une progression sous une latitude et une longitude spirituelle nouvelles. Mycène n'était pas plus grand que Tirynthe, ni Épidore plus beau que Mycène. Chaque fois, il s'agissait d'un lieu différent, à un degré pour lequel je ne disposais plus d'aucun cercle de comparaison. À Mycène, j'ai marché sur des morts incandescents. À Épidore, j'ai senti un silence si intense que, une fraction de seconde, j'ai entendu battre le cœur immense de l'univers et compris le sens de la douleur et de la souffrance. À Tirynthe, l'ombre de l'homme cyclopéen s'est étendue sur moi et j'ai senti le flamboiement de cet œil intérieur qui n'est plus aujourd'hui qu'une glande maladive. À Argos, la plaine entière était une brume ardente où j'ai vu les fantômes de nos Indiens d'Amérique que j'ai salués en silence. J'allais, détaché de tout, les pieds baignant dans le rougeoiement de la terre. Corinthe, je trempe dans une lumière rose. Il y a bataille entre le soleil et la lune. La terre tourne lentement avec ses ruines grasses, tourne sur son essieu dans la lumière, comme une roue à eau qui se reflète dans la paix d'un étang. Arachova. Dans l'instant même où l'aigle s'envole de son air et soudain plane en suspens au-dessus de la chaudière bouillante de la terre, étourdi par la mosaïque éclatante des couleurs qui habillent le vide palpitant. Léonidion, c'est le coucher du soleil. Derrière la lourde draperie funéraire des vapeurs qui montent des marais, se dessine confusément le sombre portail de l'enfer où les mânes des chauves-souris, des serpents, des lézards viennent trouver le repos et, qui sait, prier. En chaque lieu, j'ouvre une nouvelle mine d'expérience, creusant plus profondément dans la terre, m'approchant du noyau astral dont couve encore le feu. La lumière, à ce stade, n'est pas plus solaire que lunaire. C'est la lumière stellaire de la planète à laquelle l'homme a donné vie. La Terre vit là, dans ses profondeurs les plus secrètes. Au centre, un soleil en forme d'homme crucifié. Le soleil saigne sur sa croix dans le secret des profondeurs. Le soleil, c'est l'homme qui lutte pour émerger vers une autre lumière, de lumière en lumière, de calvaire en calvaire, champ de la terre. Je restais quelques jours à Hydra, durant lesquels je gravis et descendis des milliers de marches, visitais la demeure de plusieurs amiraux, fit des offrandes votives au saint patron de l'île, dit des prières pour les morts, les boiteux et les aveugles dans la petite chapelle attenante à la maison de Guica, jouait au ping-pong, but du champagne, du cognac, de l'ouzo et du retsina à The Old Curiosity Shop, veillait tard dans la nuit devant une bouteille de whisky en parlant à Guica des moines tibétains, commençait le livre de bord de l'Immaculée Conception que je finis pour ses fériades à Delphes, et écoutait Katsimbalis. Écoutez la 9e symphonie de ses affres et de ses transgressions. Madame Hadji Kyriakos, la femme de Guica, nous traitait magnifiquement. Nous sortions de table comme des muides de vin Kudjat. De la terrasse, qui était d'arôme distinctement oriental, nous regardions la mer, plongée dans une hébétude d'ivrogne. La maison comptait 40 chambres, dont certaines profondément enfouies dans le sol. Les plus grandes ressemblaient à un salon de transatlantique, les plus petites à des cachots très frais, aménagés par des pirates pleins de fantaisie. Les servantes étaient de souche divine. L'une d'elles, à tout le moins, descendait en droite ligne de l'Érectéion, bien qu'elle portât le nom d'une céréale sacrée. Nopli est sinistre et déserte la nuit. C'est un lieu déchu, déclassé, comme Arles ou Avignon. En fait, à bien des égards, Nopli rappelle une ville de province française, notamment la nuit. On y trouve une garnison militaire, une forteresse, un palais, une cathédrale et deux ou trois monuments loufoques. Une mosquée aussi, transformée en cinéma. De jour, ce n'est partout que ronds de cuir, hommes de loi, juge, avec tout le cortège de désespoir et de futilité que traîne cette race de parasites et de vampires. La forteresse et la prison dominent la ville. Guerriers, geôliers, prêtres. Éternelle trinité qui symbolise notre peur de la vie. Je n'aime pas nos plis. Je n'aime pas les villes de province, ni les prisons, églises, forteresses, palais, bibliothèques, musées, ni les monuments publics aux morts. L'hôtel tenait un peu de l'asile de fous. Le hall était orné de gravures, ruines grecques fameuses et indiens de l'Amazone et de l'Orénoque. Les murs de la salle à manger étaient couverts d'emplâtre, lettres de touristes américains et anglais, toutes prônant le confort de l'hôtel dans un style extravagant. Les plus stupides portaient la signature de professeurs de nos universités célèbres. Katsimbalis avait deux lits dans sa chambre, moi trois. Pas de chauffage, nous étions les seuls visiteurs. Nous nous réveillâmes de bonne heure et louâmes une voiture pour aller à Épidaure. La journée commença dans une paix sublime. C'était mon premier vrai coup d'œil sur le Péloponnèse. Plus qu'un coup d'œil, d'ailleurs, c'était une large vision s'ouvrant sur un monde de silence et d'immobilité, le genre de monde dont l'homme héritera un jour lorsqu'il aura cessé de se complaire au meurtre et à la rapine. Je me demande pourquoi aucun peintre n'a jamais rendu la magie de ce paysage idyllique. Est-il trop le contraire du drame et trop idyllique? La lumière est-elle trop éthérée pour se laisser capter par le pinceau? Ce que je peux dire, Et peut-être l'artiste trop enthousiaste en sera-t-il découragé. C'est qu'il n'y a ici nulle trace de laideur. Que ce soit dans la ligne, la couleur, la forme, la particularité ou le sentiment. Tout est perfection pure, comme la musique de Mozart. En vérité, j'oserais même dire que la présence de Mozart se fait sentir ici plus que nulle autre part au monde. La route d'Épidaure est celle de la création. On ne cherche plus, on se tait, peu à peu réduit au silence par la paix qui descend des commencements mystérieux. Si l'on pouvait parler, l'on deviendrait mélodie. Rien ici qui se puisse saisir, thésauriser ou accaparer. Rien que l'effondrement des murs qui retiennent captif l'esprit. Le paysage ne se dérobe pas, il s'installe dans les lieux ouverts du cœur. Il y afflue, s'accumule, dépossède. Ce n'est plus une randonnée à travers quoi que ce soit, la nature, mettons, si vous voulez. C'est la participation à une déroute, une débâcle des forces de la cupidité, de la malveillance, de l'envie, de l'égoïsme, de la rancœur, de l'intolérance, de l'orgueil, de l'arrogance, de la ruse, de la duplicité, etc. C'est le matin du premier jour de la grande paix, celle du cœur, qui vient avec la reddition totale. Il a fallu que je vienne à Épidaure pour connaître le sens véritable de la paix. Comme n'importe qui, je m'étais servi de ce mot toute ma vie, sans me rendre compte une seule fois qu'il s'agissait d'une contrefaçon. La paix n'est pas plus le contraire de la guerre que la mort celui de la vie. De la pauvreté du langage, autrement dit, de la pauvreté de notre imagination ou de la grande misère de notre vie intérieure, est née une équivoque absolument fausse. Naturellement, je parle ici de la paix qui passe tout entendement. Il n'en est pas d'autre. La paix que la plupart d'entre nous connaissent n'est qu'une cessation d'hostilité, une trêve, un interrègne, une accalmie, un répit, toute chose négative. La paix du cœur est positive et invincible, ne pose pas de conditions, ne requiert pas de sauvegarde. Elle se contente d'être. Si elle est victoire, c'est une victoire d'un genre singulier, car elle repose entièrement sur la reddition totale et volontaire, bien sûr. Il n'y a, pour moi, rien de mystérieux dans la nature des cures qu'opéra jadis ce grand centre thérapeutique du monde antique. Ici, le guérisseur lui-même trouvait la guérison. Prélude essentiel au développement de l'art, qui est non pas médical, mais religieux. Deuxièmement, le patient était guéri avant même de recevoir la guérison. Les grands médecins ont toujours dit de la nature qu'elle était la grande salvatrice. Ce n'est que partiellement vrai. À elle seule, la nature ne peut rien. La nature ne peut guérir que lorsque l'homme a su reconnaître sa place dans le monde. Et sa place est non pas dans la nature, comme celle de l'animal, mais dans son propre règne, l'humain, intermédiaire entre le naturel et le divin. Pour les spécimens sous-humains de notre âge enténébré de science, le rituel et le culte associés à l'art de guérir, tel qu'on le pratiquait à Épidaure, paraissent relever de la pure gogoterie. Dans notre monde, l'aveugle guide l'aveugle et le malade va demander au malade de le guérir. Nous sommes en progrès constant, mais un progrès qui conduit à la table d'opération, à l'hospice des pauvres, à l'asile d'aliénés, aux tranchées. Nous n'avons pas de guérisseurs, rien que des bouchers se prévalant de leur connaissance de l'anatomie pour avoir droit à des diplômes, lesquels, à leur tour, leur donne le droit de charcuter dans nos maux ou de les amputer, en sorte que nous puissions continuer à vivre en infirme en attendant d'être bons pour l'abattoir. Nous claironnons la découverte de telle ou telle cure, nous gardant de mentionner les maladies nouvelles que nous avons créées en chemin. L'exercice du culte médical fait beaucoup penser à la manière d'agir des hautes instances militaires. Leurs triomphants communiqués de victoire sont autant d'os à ronger qu'on nous jette pour mieux cacher la mort et le désastre. Les médicastres, comme les autorités militaires, sont impuissants. Ils mènent un combat sans espoir dès le départ. Ce que l'homme veut, c'est la paix, afin de pouvoir vivre. La défaite du voisin n'assure pas plus la paix que la guérison du cancer, la santé. La vie, pour l'homme, ne commence pas avec la victoire sur l'ennemi. Pas plus qu'une série de cures interminables n'est pour lui le début de la santé. La joie de vivre est le fait de la paix qui est non pas statique, mais dynamique. Personne ne peut se vanter de savoir ce qu'est la joie tant qu'il n'a pas connu d'expérience la paix. Et sans la joie, il n'y a pas de vie. Quand bien même on aurait 12 automobiles, 6 majordomes, un château, une chapelle privée et un abri à l'épreuve des bombes. La maladie, elle est dans nos attachements. Habitudes, idéologies, idéaux, principes, bien de ce monde, phobie, Dieu, culte, religion, peu importe, tout ce que vous voudrez. Bien gagner sa vie peut être une maladie autant que voter. Le loisir peut être un mal aussi grave que le travail. Tout ce à quoi nous nous cramponnons, même l'espoir ou la foi, peut aussi bien être le mal qui nous emportera. Il n'y a de reddition qu'absolue. Il suffit de se cramponner à la miette la plus infime pour nourrir en soi le germe dévorant. Et quant à se cramponner à Dieu, il y a belle lurette qu'il nous a abandonnée pour nous permettre de savoir ce qu'est la joie d'atteindre par nos propres efforts à la divinité. Toutes ces pleurnicheries sans fin dans le noir, cette piteuse et insistante prière pour la paix qui ne cessera de grandir concurremment avec la souffrance et la misère, qu'en attend-on? La paix, les gens s'imaginent-ils que ça s'engrange comme le maïs ou le blé? Qu'on peut se jeter sur elle et la dévorer comme une charogne que se disputent les loups? J'entends les gens parler de paix avec des visages qu'assombrissent la colère, la haine, le mépris et le dédain, l'orgueil et l'arrogance. Il en est qui voudraient se battre pour que règne la paix. Ce sont les plus aveugles de tous. La paix ne règnera que lorsqu'on aura définitivement extirpé du cœur et de l'esprit le meurtre. Le meurtre est le sommet de cette vaste pyramide qui a pour base le moi. Ce qui est debout devra s'écrouler. Tout ce pourquoi l'homme s'est battu, il faudra qu'il le répudie avant de pouvoir commencer à vivre en homme. Jusqu'à présent, il n'a été qu'une bête féroce malade. Il n'est jusqu'à sa divinité qui ne pue. Dire qu'il est le maître de tant de monde et que dans le sien il est esclave. Ce qui régit le monde, c'est le cœur, non le cerveau. Il n'est pas de domaine où nos conquêtes apportent autre chose que la mort. Nous avons tourné le dos au seul règne où se tienne la liberté. À Épidaure, dans le silence, dans la grande paix qui m'envahir, j'ai entendu battre le cœur du monde. La cure, je la connais. C'est d'abandonner, de renoncer, de se rendre, pour que notre cœur chétif puisse battre à l'unisson du grand cœur du monde. À mon sens, les hordes immenses qui faisaient le long pèlerinage d'Épidaure des quatre coins du monde antique étaient déjà guéries avant d'arriver. Assis sur les gradins de l'amphithéâtre étrangement silencieux, je songeais à la route longue et tortueuse qui m'avait enfin conduit à ce centre de paix et de guérison. Personne n'aurait pu choisir itinéraire plus circonlocutoire que le mien. Pendant plus de 30 années, j'avais erré comme dans un labyrinthe. J'avais goûté toutes les joies, tous les désespoirs, sans jamais connaître la signification exacte de la paix. Chemin faisant, j'avais vaincu tous mes ennemis, l'un après l'autre. Mais le plus grand de tous, j'étais passé à côté de lui sans le reconnaître. C'était moi-même. Lorsque j'ai pénétré dans ce bol de silence que baignait maintenant une lumière de marbre, j'ai enfin atteint le point, au centre des centres, où le plus léger murmure monte tel un oiseau joyeux et va se perdre par-delà l'épaule de la colline basse, comme la lumière d'une claire journée se dérobe et fuit devant le noir velours de la nuit. Balboa, debout sur le pic de Darien, ne dut pas connaître émerveillement plus grand que moi dans cet instant. Fini les conquêtes. Un océan de paix s'étalait devant moi. Être libre, comme j'ai su alors que je l'étais, c'est comprendre la vanité de toute conquête, fût-ce celle de soi, qui est le dernier acte d'égotisme. Être joyeux, c'est porter le moi à son sommet le plus élevé et l'y déposer triomphalement. Connaître la paix, c'est un tout. C'est l'instant d'après, où la reddition est complète, où l'on n'a même plus conscience de capituler. La paix est là, au centre. Et lorsque l'on y a atteint, la voix jaillit pour se répandre en louanges et en bénédictions. Et la voix, alors, porte loin, très loin, jusqu'aux confins de l'univers. Et alors aussi, elle guérit, parce qu'elle apporte avec elle la lumière et la chaleur de la compassion. Épidaure n'est qu'un lieu symbole. Le véritable lieu est dans le cœur de chacun de nous, pour peu que nous consentions à faire halte et à le chercher. Toute découverte est mystérieuse, en ce qu'elle révèle un immédiat infiniment inattendu, une présence infiniment proche, une connaissance de longue date infiniment intime. Le sage n'a que faire de sortir de chez lui et de voyager. C'est le sot qui cherche la marmite d'or au pied de l'arc-en-ciel. Mais l'un et l'autre sont inexorablement prédestinés à se rencontrer et à s'unir. Leur point de rencontre, c'est le cœur du monde, où commence et finit le chemin. Leur point de rencontre, c'est la prise de conscience. Leur point de fusion, celui où ils transcendent leur rôle. Le monde est à la fois jeune et vieux. Comme l'individu, il se renouvelle dans la mort et prend de l'âge en traversant une infinité de naissances. Chaque stade offre sa possibilité d'accomplissement et de plénitude. Et la paix jalonne tous les points du parcours. C'est un continuum, ce parcours, aussi indémontrable par voie de démarcation que l'est une ligne par la juxtaposition de points à l'infini. Une ligne, cela exige la totalité de l'être, de la volonté, de l'imagination. Qu'est-ce qui constitue une ligne ? C'est là exercice de métaphysique et matière à spéculation pour l'éternité. N'empêche que le plus bel idiot peut tracer une ligne. Et ce faisant, il est l'égal du professeur, pour qui la nature de la ligne reste un mystère au-delà de toute compréhension. La maîtrise des grandes choses vient avec la pratique de menu rien. Pour l'âme timide, le petit voyage est aussi formidable que la longue exploration pour la grande âme. C'est intérieurement que s'accomplissent les voyages. Et les plus hasardeux, est-il besoin de le dire, s'accomplissent sans qu'on bouge d'un pouce. Mais le sens du voyage peut flétrir et mourir. Il est des aventuriers qui pénètrent jusqu'aux régions les plus éloignées du globe et qui vont, traînant vers un but stérile, leurs cadavres doués de mouvement. La terre pullule d'esprits aventureux qui la peuplent de mort. Ce sont les âmes qui, dans leur frénésie de conquête, emplissent de querelles et de luttes les corridors extérieurs de l'espace. Ce qui donne à la vie sa couleur de fantasme, c'est le pitoyable jeu d'ombre entre goules et fantômes. La panique et le désarroi, qui tiennent dans leur serre l'âme de l'errant, sont l'écho répercuté du sabbat infernal des damnés. C'était Le Colosse de Maroussi d'Henri Miller. Extrait. Traduction de Georges Belmont. Texte dit par Olivier Claverie. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas de Pagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Colosse de Maroussi, d'Henri Miller,